Une interview de Jules Verne par Marie-Adélaïde Belloc. Jules Verne, dont les ouvrages sont lus en Angleterre presque autant qu'en France, a été interviewé par Miss Belloc dans sa maison d'Amiens. Une des joies les plus vives de ma carrière de romancier m'a été donnée par le succès que mes livres, et notamment Michel Strogoff, ont obtenu à la scène. On m'a souvent demandé comment m'était venue l'idée d'écrire ce que, faute de mieux, on peut appeler des romans scientifiques. Voyez-vous, j'ai toujours beaucoup aimé l'étude de la géographie, comme d'autres aiment l'histoire et les recherches qu'elle provoque. Je crois vraiment que c'est mon penchant pour les cartes géographiques et les grands explorateurs qui m'a amené à composer le premier volume de la longue série de mes ouvrages. Quand j'écrivis ce volume, 5 semaines en ballon, je choisis l'Afrique pour théâtre de mon action, par la raison fort simple que l'on en savait et l'on en sait encore sur ce continent moins que sur tout autre. Et je me figurais que la façon la plus ingénieuse d'explorer la surface de cette partie du monde serait de naviguer au-dessus en ballon. Mon roman terminé, j'en envoyai le manuscrit à l'éditeur parisien bien connu, M. Hetzel. Il le lut, le trouva intéressant et me fit des offres que j'acceptais. 5 semaines en ballon est resté jusqu'à ce jour un de mes romans les plus goûtés. Mais il ne faut pas oublier que j'avais déjà 35 ans quand ce livre parut et que j'étais marié depuis 8 ans. Vous savez sans doute, observa Madame Verne avec quelque fierté, que plusieurs phénomènes relatés pour mon mari dans ses romans, et qui paraissaient absolument inadmissibles, se sont pourtant réalisés. « Bon, protesta M. Verne, c'est une simple coïncidence. Quant à l'exactitude de mes descriptions, je la dois en grande partie à ce que, avant même de commencer à écrire, je prenais toujours des notes nombreuses dans chaque livre, journal, magazine ou rapport scientifique qui me tombait entre les mains. Ces notes étaient et sont encore toutes classées d'après le sujet traité, et je n'ai pas besoin de vous dire de quelle valeur tous ces matériaux ont été pour moi. Je suis abonné à plus de 20 journaux et je lis assidûment toutes les publications scientifiques. Abstraction faite même de mon ouvrage, j'éprouve un vif plaisir à lire ou écouter le récit de quelques découvertes ou de quelques expériences nouvelles dans le domaine du savoir humain, astronomie, météorologie ou physiologie. Jules Verne se lève à 5 heures et à l'heure du lunch, c'est-à-dire à 11 heures, son travail quotidien de composition, correction des preuves, etc. est terminé. Mais comme on ne peut brûler la bougie par les deux bouts, dès 8 heures ou 8h30, il est en général profondément endormi. La plus grande partie de son travail d'écrivain se fait dans une toute petite chambre à coucher. Il nous donne lui-même un récit très intéressant de sa manière de travailler. Je fais d'abord une ébauche du sujet de mon roman. Jamais je ne commence un livre sans savoir quels en seront le commencement, le milieu et la fin. Jusqu'ici, j'ai toujours eu la chance d'avoir en tête non pas un, mais bien une demi-douzaine de thèmes différents. S'il m'arrive un jour de me trouver à court d'un sujet, c'est qu'il sera temps de renoncer à mon travail habituel. Quand j'ai terminé ma première ébauche, je fais un plan des chapitres, après quoi je me mets à tracer une première rédaction au crayon, en laissant la moitié de ma page en marge, afin d'y mettre les changements et les corrections. Je relis ensuite le tout, puis je le passe à l'encre. Je crois que mon véritable travail ne commence qu'avec la correction des premières épreuves, car non seulement je trouve alors quelque chose à corriger dans chaque phrase, mais il y a des chapitres entiers que je réécris d'un bout à l'autre. Il me semble que je ne prends possession de mon sujet que quand je le vois imprimé. Heureusement que mon brave éditeur m'accorde toute latitude quant aux corrections. J'ai souvent jusqu'à 8 ou 9 tirages d'épreuves. Tous les ans, j'écris régulièrement 2 ouvrages et je suis toujours en avance. C'est au point que je fais en ce moment un livre qui rentre de ma tâche annuelle de 1897. C'est vous dire que j'ai déjà 5 manuscrits tout prêts pour la presse. Madame Verne assure que, sitôt la dernière épreuve corrigée, son mari ne rejette jamais les yeux sur ses ouvrages. Il semble avoir perdu tout intérêt pour lui. Miss Belloc entra dans la bibliothèque de Jules Verne. Les murs de cette pièce sont revêtus de livres. Au milieu, une grande table plie sous le fait de journaux, revues, rapports scientifiques soigneusement assortis, sans parler de tout un choix de la littérature courante, anglaise et française. Un certain nombre de petits cartons, occupant un espace relativement restreint, contiennent les 20 000 notes recueillies par l'écrivain au cours de sa longue carrière. Sa bibliothèque est bien là pour l'usage et non pour la montre. Des exemplaires de compagnons intellectuels comme Homère, Virgile, Montaigne et Shakespeare portent les traces évidentes de lectures réitérées, mais n'en sont que plus chères à leurs propriétaires. Des éditions de Fenimore Cooper, de Dickens et de Walter Scott témoignent d'un usage assidu et constant. Un grand nombre de nos meilleurs romans anglais, aux reliures plus fraîches, ont également pris le chemin de ce salon de lecture. Aux questions que Miss Belloc posa à Jules Verne sur l'Angleterre et sa littérature, il répondit que ses jours les plus heureux s'étaient passés en Écosse et que, de tout temps, les œuvres de Walter Scott avaient fait ses délices. À Londres, comme Zola, ce qui l'avait frappé le plus, c'est la Tamise, et il déclara qu'il professait une véritable admiration pour ce fleuve. Jules Verne ne comprend que le français. Il n'a donc pu faire connaissance avec nos auteurs dans le texte original. Il préfère le Robinson suisse à Robinson Crusoe. Fenimore Cooper ne le fatigue jamais. Il prend un vif plaisir au roman de Captain Marryat, a trouvé fort intéressante la lecture de L'île au trésor de Stevenson, mais de tous nos auteurs, c'est Dickens qu'il place au premier rang. Les livres de Jules Verne ont eu des éditions allemandes, portugaises, hollandaises, suédoises, anglaises, russes, japonaises et arabes. Comme Miss Belloc lui faisait remarquer que les femmes tenaient peu de place dans ses romans, il répondit « Je proteste énergiquement contre cette assertion. Voyez Mrs. Brannigan et les charmantes jeunes filles de plusieurs de mes romans. Chaque fois qu'il y a quelque nécessité à introduire l'élément féminin, vous le trouverez chez moi. » Et il continua en souriant. L'amour est une passion absorbante, qui ne laisse que fort peu de place pour autre chose dans le cœur de l'homme. Mes héros ont besoin de toutes leurs facultés. La présence de quelque adorable demoiselle pourrait, ça et là, compromettre beaucoup la réussite du but qu'ils poursuivent. Et puis, j'ai toujours eu le désir d'écrire des ouvrages qui puissent être mis sans le moindre inconvénient dans les mains de la jeunesse. C'est ce qui m'a constamment fait éviter tout passage, comment dirais-je, tout passage qu'un garçon n'aimerait pas avoir lire à sa sœur. C'était une interview de Jules Verne par Marie-Adélaïde Belloc.